إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On se retrouve encore une fois, Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour étudier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour traduire surtout les paroles des savants de la Sunna sur l'explication de Juz'amma. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes arrivés à Surat Al-A'la. Surat Al-A'la, le Très-Haut. Donc on commence, inshallah ta'ala, cette surah, l'explication de cette surah. Et cette surah est une surah mécoise, pré-égérienne. Et à titre de bénéfice, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la lisait dans la prière des deux Eid. Et il la récitait aussi le jour du vendredi. Et il la récitait aussi dans la prière du Witr. Pourquoi ? Pour son immensité et de ce qu'elle contient comme rappel et exhortation. Et tout cela est rapporté dans des hadiths qui sont authentiques. Et cela fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous convient à tous de la pratiquer de temps en temps. De la pratiquer de temps en temps. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. الله سبحانه وتعالى il dit dans la traduction approximative: glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut. سبح اسم ربك الأعلى. Ceci est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de le glorifier et de glorifier ses noms, car il a été dit ici, soit le sens c'est de glorifier comme il est le nom de ton Seigneur, ou Allah subhanahu wa ta'ala, glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est correct, c'est les deux sens, c'est-à-dire de le glorifier, de glorifier ses noms, car celui qui glorifie ses noms a certes glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui glorifie Allah azza wa jal a certes glorifié ses noms et ses attributs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne ici dans ce verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa communauté. Hein? Il dit glorifie le nom de ton Seigneur. Quel est le sens ici de glorifier? C'est important, pourquoi? Parce que tous les jours on dit subhanallah. Subhanallah après la prière, par exemple, les prières obligatoires, on dit subhanallah. Est-ce qu'on comprend vraiment le sens de cela? Quel est le sens ici de glorifier le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ou glorifier Allah azza wa jal? C'est-à-dire ici, exempter tous les noms de ton Seigneur, c'est-à-dire exempte, glorifie le nom de ton Seigneur, exempte tous les noms de ton Seigneur, exempte Allah de tout ce qui ne lui convient, de tout ce qui ne convient pas à sa majesté et à sa grandeur. Exempte Allah ainsi que ses noms et ses attributs de tout mal, de tout défaut et de tout manquement. Car Allah subhanahu wa ta'ala a des noms, beaucoup de noms, et seul lui en a la connaissance. On ne peut les dénombrer. On ne peut les dénombrer. Et le hadith, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a certes 99 noms. Hein? Ici, c'est pas seulement il a 99 noms. Mais parmi ces noms, il y en a 99. Celui qui les dénombre entrera au paradis. Naam. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a les noms les plus parfaits et les plus beaux, ainsi que les attributs. Tous ces noms, comme on a dit, sont parfaits et beaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Taha, verset 8, Allah, point de divinité que lui, il possède les noms les plus beaux. Et il dit dans surat Al-A'raf, verset 180, c'est à Allah qu'appartient les noms les plus parfaits. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Donc glorifie le nom de ton Seigneur avec le cœur et la langue. Avec le cœur et la langue. Et cela en mentionnant son nom. Donc, il suffit pas de dire Subhanallah. Par exemple, après la prière obligatoire, il dit Subhanallah avec la langue, mais tu ne comprends pas son sens. Et ton cœur n'est pas présent au moment où tu le dis. Tu dois méditer sur l'essence de Subhanallah. Donc c'est avec le cœur et la langue. D'accord ? Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, Ar-Rab. De ton Seigneur, Afwan, Ar-Rab. Ar-Rab, c'est le Seigneur. Et c'est celui qui éduque ses serviteurs. Toute l'humanité, c'est lui qui gère et administre leurs affaires. C'est lui le créateur seul et le pourvoyeur, en leur accordant ses bienfaits. Naam. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, Alladhi khalaqa fasawwa. Celui qui a créé et agencé harmonieusement. C'est-à-dire celui qui a créé toutes les créatures et personne ne crée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et agencé harmonieusement. C'est-à-dire chaque créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé de la meilleure des façons. Il l'a créé de façon parfaite et belle. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate At-Tin, le figuier, verset 4. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Et ça, tu le vois de tes propres yeux. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé comme les animaux? Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé droit. Tous tes membres de ton corps sont droits, alhamdulillah. Ils sont justes. Il t'a créé de façon parfaite. Quand tu regardes les animaux, regarde comment ils ont été créés. Hein? La tête en bas, les pattes par terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme de la forme la plus parfaite, qui a décrété et guidé. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. Qui a décrété et guidé. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, a déterminé toutes les choses. Chaque chose a auprès de lui sa mesure. Il n'augmente pas et se diminue pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 8, et toute chose a auprès de lui sa mesure. Et il dit dans surat, le discernement, verset 2, et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Donc tout est décrété, déterminé. Rien n'est fait au hasard. On avait vu le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il a noté sur lawh al-mahfouz, la table à garder. Hein, toutes les choses, 50 000 ans avant la créature des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà écrit toutes choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout fixé. Chaque chose a un terme fixé, que ce soit dans le temps, dans la caractéristique, dans la taille ou autre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété et guidé. Guider, c'est-à-dire quoi? Vers cela, l'ensemble de ces créatures. Et cette guidée, comme ils disent les savants, elle est générale. celle qui contient la guidée de toute créature vers ce qui lui convient, vers ce qu'il a besoin. Hein? Allah a guidé, c'est-à-dire a orienté chaque créature vers l'accomplissement de ce qui lui est bénéfique, sans qu'il le sache, mais plutôt par son instinct. Comme par exemple le nouveau-né, lorsqu'il sort du ventre de sa mère. Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé vers quoi? La première chose qu'il recherche, que ce soit l'être humain quand il naît, ou même l'animal. Qu'est-ce qu'il recherche la première chose? Le sein de sa mère. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé vers cela. C'est son, il a un instinct. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un instinct. Hein, il ne sait même pas en fait, le nouveau-né. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a guidé. Donc ici, c'est la guidée universelle, ce qu'on appelle. Hein? Et quand Pharaon, on avait vu, quand Pharaon a demandé à Moussa et à Haroun, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, alors Pharaon dit, qui donc est votre Seigneur, ô Moussa? Notre Seigneur, dit Moussa, est celui qui a donné chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Donc tout cela nous montre quoi? Tout ceci sont des preuves de la capacité parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa science parfaite. Et qu'il a créé l'univers et les créatures de façon parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a bien fait tout ce qu'il a créé. Et il dit dans un autre verset, telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى et qui a fait pousser le pâturage, c'est-à-dire qui a fait descendre du ciel de l'eau, la pluie, comme on avait vu dans plusieurs versets, et ont poussé toutes sortes de plantes et d'herbes abondantes, hein, et les gens et les bêtes en profitent de même que tous les animaux. Ensuite, après que ces plantes ou ces herbes ont atteint la maturité, elles se fanent et se dégradent et deviennent secs, sèches. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite dans le verset qui suit, فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى et en a fait ensuite un foin sombre. C'est-à-dire après la verdure, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre du ciel, de l'eau, la pluie, que ça a poussé toutes sortes de plantes et d'herbes abondantes, et qu'ils étaient beaux, la verdure, ils étaient verts, la fraîcheur, etc. Après, elle est devenue noire, sec et abîmée. Et comme ça est cette vie d'ici-bas. Chaque chose a une vie, puis il meurt, puis ça meurt. Hein, rien ne dire dans cette vie d'ici-bas, tout est éphémère. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ensuite ses bienfaits religieux et dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. Nous te ferons réciter de sorte que tu n'oublieras pas. C'est-à-dire, nous allons protéger ce que nous t'avons révélé comme livre. Nous allons protéger ce que nous t'avons révélé comme livre. Nous ferons comprendre ton cœur. Tu n'oublieras rien. Et ceci est une grande nouvelle d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son serviteur et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que certes, Allah subhanahu wa ta'ala va lui enseigner une science. Il va lui enseigner le Coran. Hein, et c'est Jibril alayhi salam qui va lui enseigner en le récitant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné, il a chargé Jibril alayhi salam de le faire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va lui enseigner une science qu'il n'oubliera pas. Et ceci est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est chargé de cela. Non. Il dit, « Illa ma sha' Allah, innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. » Sauf ce qu'Allah veut, il connaît ce qui paraît au grand jour ainsi que ce qui est caché. Quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala ici, sauf ce que Allah veut. C'est-à-dire, nous te ferons réciter de sorte que tu n'oublieras pas, sauf ce que Allah veut. C'est-à-dire, sauf ce qu'Allah veut que tu oublies. Car certes, seule l'affaire est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décide. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans la traduction approximative, Allah efface ou confirme ce qu'il veut. Et il dit dans un autre verset, dans surat Al-Baqara, la vache, si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous apportons un meilleur ou un semblable. Fin du verset. Donc, sauf ce qu'Allah veut par sa sagesse, pour les intérêts de ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ce qui paraît au grand jour ainsi que ce qui est caché. Hein? Et parmi cela, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui est bon pour ses serviteurs. C'est pour cela qu'il a légiféré ce qu'il veut. Et il juge par ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que les serviteurs divulguent quand ils parlent à voix haute. Et il sait aussi ce qu'ils cachent. Hein, quand ils parlent à voix basse ou au fond d'eux, à l'intérieur. Parmi les paroles et les actes, rien ne se cache d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit dans surat Ali Imran, la famille d'Imran, verset 5. Rien vraiment ne se cache d'Allah de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. Naam. Donc, alhamdoulilah, ici, ça nous montre quoi? Que le musulman, le croyant, il doit réformer son intérieur, son extérieur, comme il doit réformer son intérieur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Puis avec les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala sait, hein, sait ce qu'il divulgue ou ce qu'il cache. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fait une autre promesse à son messager sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, il dit wa nuyassiruka lil yusra, nous te mettrons sur la voie la plus facile. Et ceci est une grande nouvelle, une autre grande nouvelle d'Allah subhanahu wa ta'ala et une promesse d'Allah azza wa jal pour son messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter, le guider vers la facilité dans toutes ses affaires. Et que sa législation et sa religion est une facilité. Cette religion est facile et facilitée. Allah subhanahu wa ta'ala n'a imposé aucune gêne dans la religion, comme il a dit dans surat le pèlerinage, verset 78. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Même s'il y a une difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala n'impose aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Hein, comme il a dit dans le dernier verset de surat Al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé des permissions légiférées, des facilités lors des difficultés à ses serviteurs, selon les situations. Et la louange est à Allah seul. Hein, celui qui ne peut pas prier debout, parce qu'il est malade, il ne peut pas, alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de prier assis ou allongé. Celui qui est malade, hein, il n'est pas obligé de jeûner. Pareil pour celui qui est en voyage. Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité aussi celui qui voyage lors des difficultés de rassembler les prières et de les raccourcir, etc., etc. Beaucoup de facilité. Naam. Donc, quand il dit nous te mettrons sur la voie la plus facile, c'est-à-dire nous te faciliterons les actes du bien et les paroles. Hein, nous te faciliterons l'obéissance. Non? Et nous allons légiférer pour toi une législation facile, clémente, droite et juste. Elle ne contient ni de courbure, ni de gêne et ni de difficulté. Fadhakir in nafa'ati dhikra. Rappelle donc où le rappel doit être utile. Rappelle donc où le rappel doit être utile. C'est-à-dire, rappelle les gens par la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, par ses signes, exhorte-les par le Coran. Rappelle aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sa grandeur, son immensité. Exhorte-les et mets-leur en garde de son châtiment. Rappelle donc où le rappel doit être utile. C'est-à-dire, tant que le rappel est accepté, tant que l'exhortation est écoutée, que ce qui est obtenu du rappel soit atteint entièrement ou non. Et là, il y a divergence sur le sens de ce verset. Est-ce que quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit ici « rappel donc où le rappel doit être utile », c'est-à-dire que s'il n'est pas utile ce rappel pour des gens qui n'écoutent pas comme les mécréants, hein, qui se mettent les doigts dans les oreilles et qui n'acceptent pas la vérité, à ce moment-là, il n'y a pas de bénéfice, alors faire le rappel. Donc à ce moment-là, tu dois seulement faire le rappel si vraiment il y a une faïda, un bénéfice, hein, pour les gens. Mais tandis que les gens qui se détournent d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils n'acceptent pas et qu'ils s'enorgueillissent, à cela, leur compte appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été dit aussi dans le deuxième, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, dans toute situation, tu fais le rappel. Hein, il est obligatoire de faire le rappel. Même si tu penses que ça ne va pas être bénéfique. Car comme ils disent les savants, même si tu penses, toi, que ça ne va pas être bénéfique de faire le rappel, hein, et ça sera bénéfique pour toi, déjà en premier. Et les gens sauront par la suite, inshallah ou ta'ala, que cette chose, elle est bénéfique, que c'est une obligation et que cela est haram. Parce que si tu te tais, et là, c'est pour les savants, les prédicateurs, ceux qui appellent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, même pour toi, ta famille, etc., dans ce que tu peux, si on se tait, les gens diront, ils pratiqueront les interdits. Et qu'est-ce qu'ils diront? Ils prendront comme excuse, ils diront, si cela a été interdit, hein, les gens de science nous auront fait le rappel. Et si cela était une obligation, alors les gens de science nous auront rappelé. Donc ici, il est obligatoire de faire le rappel et de répandre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, même si elle est bénéfique pour des gens ou qu'elle ne soit pas bénéfique. Dans tous les cas, tu rappelles les gens. Après, il y a d'autres règles à voir importantes pour le prédicateur, etc. Hein, pour revenir, inshallah, aux paroles des gens de science par rapport à ça. Non. Il dit « rappelle donc où le rappel doit être utile. Quiconque craint s'en rappellera. » فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى. Quiconque craint s'en rappellera. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ici ceux qui profitent du rappel. Ceux qui vont profiter du rappel. Allah subhanahu wa ta'ala les a cités en disant quiconque craint s'en rappellera. C'est-à-dire quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala s'en rappellera. Car la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala avec science, car tu sais l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grandeur, et le fait de savoir que la personne sera rétribuée selon ses actes, ces deux choses, elles obligent le serviteur à s'éloigner des interdits et à s'efforcer à faire le bien. Donc celui qui craint Allah, il connaît l'immensité du Créateur, celui-là, si on lui rappelle et on l'exhorte avec les versets de son Seigneur, il se rappellera et profitera. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala en décrivant les serviteurs du Tout Miséricordieux dans Sourate Al-Furqan, le discernement, il dit que lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles. Subhanallah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie des serviteurs du Tout Miséricordieux. Quant à ceux qui ne profitent pas et se rappellent pas, Allah subhanahu wa ta'ala les a cités ensuite en disant وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Et s'en écartera le grand malheureux. Le grand malheureux, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Al-Ashqa, qui a atteint l'extrême dans le malheur. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du mécréant. Il parle du mécréant, celui qui s'écarte et s'éloigne du rappel. Il ne profite pas, ne tire pas bénéfice, ne se rappelle pas des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni du Coran, ni de ce avec quoi le messager sallallahu alayhi wa sallam, est venu. Mais bien au contraire, il mécroit en ses signes, en sa religion et au Coran. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, Alladhi yasla an-nar al-kubra, qui brûlera dans le plus grand feu. Qui brûlera dans le plus grand feu. C'est-à-dire le feu attisé d'Allah qui monte jusqu'au cœur. Le feu de l'enfer. Le plus grand feu, dû à son intensité dans la chaleur et dans la douleur. Plus grand et plus intense et chaud que le feu de cette vie d'ici-bas, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans le hadith authentique d'après Abu Huraira, qu'Allah l'a gré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, votre feu-ci, c'est-à-dire dans cette dunya, que fait le fils d'Adam, est une partie des 70 parties du feu de l'enfer. Les sahaba ont dit, par Allah, elle aurait été suffisante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté, il lui est supérieur de 69 parties, chacune de ces parties lui étant équivalente. Subhanallah. Imagine-toi le feu de cette dunya, comment il brûle déjà. Allah, celui qui se brûle au premier degré, Allah, il pensera jamais qu'il y a un feu, il y a ni plus grand que celui-là et plus chaud que celui-là. Ce mécréant-là. Et Wallah, il n'a pas vu l'enfer. Il n'a pas vu le feu de l'enfer. Allah nous en préserve. Et Allah subhanahu wa ta'ala montre ensuite dans quel état il sera dans l'enfer. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Où il ne mourra pas et ni ne vivra. Il ne mourra pas et ni ne vivra. Naam. Et si on peut se poser la question, mais comment ça, yani, il ne va pas mourir et ni vivre. Ici, pour bien comprendre le sens, c'est pour ça que c'est important d'étudier l'explication du Coran. Ici, il dit, c'est-à-dire, il ne pourra pas mourir. C'est-à-dire, il ne mourra pas d'une mort par laquelle il se reposera. Il ne pourra pas mourir. Il va se faire yani, châtier éternellement. Il ne pourra jamais se reposer. Il voudrait avoir la mort, comme on va le voir après, pour se reposer. Mais il ne pourra pas. Et ni ne vivra d'une vie par laquelle il sera heureux. Et il va vivre, mais jamais il sera heureux. Mais il sera châtié d'un châtiment douloureux. Il n'y aura ni repos et ni tranquillité. Jusqu'à même espérer mourir, comme on a dit. Ça ne sera pas accordé, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate le Créateur, verset 36. Et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. On ne les achève pas pour qu'ils meurent. On ne leur allège rien de ces tourments. Subhanallah. Et on avait vu dans les autres versets, quand ils diront, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, qu'ils diront ces gens de l'enfer. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et ils crieront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira, en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Allah, ils demanderont juste un allègement, juste un jour. Impossible. Non. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le châtiment de ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la rétribution des gens de la foi, des croyants. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Réussit certes celui qui se purifie. C'est-à-dire a certes gagné, a certes réussi, triomphé, celui qui a purifié son âme et l'a nettoyé. Et l'a nettoyé. Donc ici, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Tazakka ici, ça vient de le fait de se purifier, de se nettoyer. Et c'est pour ça qu'on a appelé la zakat une zakat. Pourquoi ? Parce qu'elle purifie la personne des mauvais comportements et elle purifie de l'avarice. Hein ? Naam. Et ici, le sens de tazakka, Il y a trois choses importantes, Inch'Allah, et on va essayer de résumer parce que c'est assez long. La première chose, c'est le fait de purifier son intérieur ainsi que son extérieur. La première des choses est de purifier sa personne de toute association à Allah subhanahu wa ta'ala et de toute forme de mécréance. Qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Qu'il soit sincère dans son adoration, pas d'ostentation. Qu'il ne cherche pas, à travers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir un rang auprès des gens ou avoir un pouvoir, etc. Mais il ne recherche uniquement le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'au-delà. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il doit purifier son âme de toute innovation. Et cela en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sorte qu'il n'innove pas dans sa religion, la religion d'Allah et de son prophète. Hein, que ça soit peu ou beaucoup, que ça soit dans les croyances, dans les paroles, dans les actes, hein, dans tout cela. D'accord ? Et il doit suivre aussi la sunna, hein, et la voix des pieux prédécesseurs. La voix des pieux prédécesseurs. Les gens de la sunna et du consensus. Naam. Tayyib. Et la troisième des choses, c'est qu'il doit purifier son âme, hein, de tout mauvais comportement, de toute injustice envers les gens. Naam. Hein, il purifie son cœur de toute rancœur, de toute rancune, de toute jalousie, de toute méprise sur ses frères musulmans, ses frères croyants, hein, et sur ses sœurs croyantes. Alhamdulillah, tu dois être, yani, ton cœur il doit être purifié de cela. Naam. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, réussit certes celui qui se purifie. Naam. Qui a purifié son âme, a nettoyé de l'association, de la mécréance, de l'injustice et des mauvais comportements, hein, dans toute chose. Il dit ensuite, « Et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la prière. » C'est-à-dire qu'il s'est caractérisé par le rappel d'Allah. Son cœur, il s'est imprégné par ce rappel. Et ceci l'oblige à œuvrer dans ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala, et particulièrement la prière. Particulièrement la prière. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la prière. Pourquoi ? Parce que la prière est la balance de la foi. Hein ? Ceci est le sens de ce noble verset. Parce que certains gens de science disent que ce verset est spécifique pour le Eid. Hein, c'est-à-dire qu'il a donné, par exemple, quand il donne zakat al-fitr, ils disent que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « Qad aflaha man tazakka » c'est-à-dire « tazakka » qui a donné zakat al-fitr. « Wa dhakara asma rabbihi » ensuite, il a mentionné le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avant la salat al-Eid, puis il a prié. Et aussi pour le discours après, hein, la prière. Il y en a, ils ont dit que c'était spécifiquement pour ça. D'autres ont dit c'est le Jumu'ah et la prière. C'est-à-dire le discours que tu fais pendant le Jumu'ah, tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite tu fais la prière. Mais ce qui est correct, c'est que c'est général. C'est toutes les prières. Toutes les prières. Car avant toutes les prières, qu'est-ce que tu fais ? Tu te rappelles le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala comme quand tu fais les ablutions. Hein, quand tu fais les ablutions, par exemple, hein, au début, tu dis Bismillah. Et ensuite, à la fin, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Donc tu prononces le nom de ton Seigneur. Donc ici, c'est Wallahu A'lam général. Naam. Et la prière du Eid et du Jumu'ah, etc., font partie de cela. Mais ce n'est pas spécifique à ce sens-là seulement. Naam. Allah met en garde ensuite de ce qui peut distraire de ce rappel. Il met en garde de ce qui peut distraire de ce rappel. Il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, mais vous préférez plutôt la vie présente. C'est-à-dire que vous faites précéder cette vie d'ici-bas sur celle de l'au-delà. Vous avez choisi les délices de ce bas monde qui sont voués à disparaître, qui sont éphémères, au lieu de choisir les délices de l'au-delà qui sont éternels et incomparables. Wallahu al-musta'an. Non, ça c'est le sens de mais vous préférez plutôt la vie présente. Bien sûr, là on résume, Inch'Allah, parce que le temps il est court. Ça passe vite. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite Wal-akhiratu khayrun wa abqa, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Non, c'est-à-dire que l'au-delà est meilleur que cette vie d'ici-bas dans toute caractéristique demandée ou recherchée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toutes les choses que les gens y recherchent dans cette vie d'ici-bas, celles qui sont de l'au-delà, elles sont meilleures et plus durables. Car pourquoi? Elles sont éternelles, alors que dans cette vie d'ici-bas, tout est éphémère. Donc le croyant et la croyante qui raisonne, qui est douée de raison, elle ne peut choisir la chose la plus mauvaise que celle qui est la plus meilleure. Elle ne peut choisir la vie d'ici-bas de celle de l'au-delà. Et elle ne peut vendre les plaisirs d'un instant. Tu es ici dans cette dunya que pour un instant. Tout est éphémère. Certes, il y a des choses bien dans cette dunya. À travers cela, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces plaisirs, elles sont éphémères. D'un instant à l'autre, elles vont disparaître. Donc tu délaisses, tu vends ces plaisirs pour le repos et les plaisirs éternels. Hein, dans l'au-delà. Ainsi, l'amour de la dunya, wallahu al-musta'an, comme il dit Cheikh Saadi, ici c'est une parole qui est à écrire avec de l'or. Hein, il nous dit ici, Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'amour de la dunya et de la faire devancer sur l'au-delà est la source de tout péché. Est la source de tout péché. Wallahu al-musta'an, qu'Allah nous en préserve. Ensuite, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, inna hada la fi suhufi al-ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes. Ceci, c'est-à-dire ce qui vous a été mentionné dans cette sourate bénie, tout ce qu'on a mentionné, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné, tout ce qui a été cité comme ordre, information, sont dans les feuilles anciennes qui ont précédé cette communauté. Les feuilles d'Abraham et de Moïse, qui sont les plus nobles des envoyés, hormis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ainsi, les commandements, ces commandements qui sont présents dans toute législation, comme dans cette sourate, notamment qu'on a cité, vous préférez la vie, préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable, et d'autres avant. Yani, ce sont des ordres qui reviennent vers les intérêts, les bénéfices des deux mondes, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ce sont des bénéfices dans toute époque et tout lieu. Dans toute époque et tout lieu. Naam. Car dans ce qu'il y avait dans les feuilles d'Ibrahim et de Moïse, yani, il y avait des choses, yani, des rappels et des exhortations qui adoucit les cœurs et qui réforme les gens et les situations. Naam. Ainsi se termine Sourate Al-A'la. Walhamdulillah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum. On se retrouve inshallah ta'ala demain à la même heure pour Sourate Al-Rashia. Naam, prochain rendez-vous ce soir à 22h pour le cours de notre frère. Barakallahu fikoum d'être présent. Salam alaikum.